Bonjour, vous écoutez KFAI, radio communautaire, à 90.3 FM à Minneapolis et 106.7 à Saint-Paul, Radio Sans Frontières, et vous écoutez Bonjour Minnesota. You're listening to KFAI, Fresh Air Radio, 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM St. Paul, Radio Without Boundaries. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. And we'll kick off our evening with a little piano from a pianist named Paul Cash. So I had the pleasure to listen to one evening at a club called the Luciole in the 11e. But he is from the 10e arrondissement de Paris. Here we go with Marel, Paul Cash. J'ai toute ma tête dans un brouillard et le cœur au galop. Les rayons ploient, les pédales à l'eau. Je suis tombée, j'allais vers le phare comme un oiseau. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fous? T'es vidé dans le flou. C'est pas comme ça que tu vas les garder. C'est pas comme ça que tu vas les garder. À quoi tu joues? tes ficelles dans le cou. C'est dans tes bras qu'il faut les garder, c'est dans tes bras qu'il faut les garder. Y'a pas d'amour, y'a que des preuves d'amour. J'ai peur du temps qui s'égare vite, j'ai peur du temps qui s'égare vite. Y'a pas d'amour, y'a que des preuves, c'est tout. Prends garde au temps qui sépare, puis prends garde au temps qui sépare. Et quand je pars avec mon fardeau, c'est toujours facile de se laisser choir sur le carreau. J'entends le soir, protège mon ego. Je sais c'est risqué, va falloir que je le mette à gauche. Oh, qu'est-ce que je fous, la vie se perd, c'est fou. C'est pas comme ça que je vais les garder, c'est pas comme ça que je vais les garder. À quoi tu joues, la fille j'ai dans la boue. C'est dans mes bras qu'il faut les garder, c'est dans mes bras qu'il faut les garder. Y'a pas d'amour, y'a que des preuves d'amour. J'ai peur du temps qui se garde, j'ai peur du temps qui se garde. J'ai peur d'amour, y'a que des preuves, c'est tout. Prends garde au temps qui se perd, et prends garde au temps qui se perd. Y'a pas d'amour, y'a que des preuves d'amour. J'ai peur du temps qui se garde, j'ai peur du temps qui se garde. Y'a pas d'amour, y'a que des preuves, c'est tout. Prends garde au temps qui se perd, et prends garde au temps qui se perd. C'est dans le noir que je fais du vélo. Dans cet endroit, le vent est froid comme un congélo. C'est pas trop tard, j'en trouverai pas d'autre. C'est dans mes bras que je vais les garder, c'est dans mes bras que je vais les garder. Y'a pas d'amour, y'a que des preuves d'amour. J'ai peur du temps qui s'égare vite, j'ai peur du temps qui s'égare vite. Y'a pas d'amour, y'a que des preuves, c'est tout. Prends garde au temps qui sépare, puis prends garde au temps qui sépare. Y'a pas d'amour, y'a que des preuves d'amour. J'ai peur du temps qui s'égare, j'ai peur du temps qui s'égare. Y'a pas d'amour, y'a que des preuves, c'est tout. Prends garde au temps qui sépare, puis prends garde au temps qui sépare. On la connut fille, fière, révolutionnaire. Quand elle allait les seins à l'air, terrasser l'oppresseur. Aujourd'hui morose, ankylose, elle veut plus changer les choses. Elle a peur, peur de l'étranger, de l'étrange. Peur de tout ce qui la dérange, peur des temps nouveaux. Peur qu'un voyou la déleste, les trois bijoux qui lui restent. On dirait une vieille dame. On l'a connue chic, chère. L'hiver à la montagne et l'été à la mer. Elle a eu des misères, elle a eu des malheurs. Aujourd'hui des vignes, plus d'usines, remise et la limousine. Le chauffeur. Alors elle regrette le passé, elle sait pas trop lequel c'est, le passé d'avant. Il y a des trous dans son histoire, il y a des trous dans sa mémoire. On dirait une vieille dame. Une vieille dame. Aurait-elle, cette vieille personne, des talents cachés? Et tous les galants qui sonnent à sa porte, qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Centrée, copains. Elle les déteste tous, celui-là un peu moins. Au début tout va bien, suffit d'un mot qui blesse. Alors elle l'engueule, fait la gueule, dit qu'elle veut rester toute seule. Manifeste. Est-ce que c'est le pire des salauds ou bien juste un gigolo? Elle sait plus vraiment. C'est son éternelle jeunesse, elle fait ça tous les cinq ans. Ça distrait la vieille dame. Ça distrait la vieille dame. La vieille dame, ça distrait la vieille dame. Et voilà, on a entendu Paul Cash avec Marelle au tout début. Après ça, ça a été Mélan avec Pas l'amour, comme il n'y a pas l'amour. Ensuite, c'était Maxime Le Forestier avec La vieille dame, not the old lady. Et Nirman avec Animal, c'était la dernière chanson qu'on a entendue. J'ai bien aimé. Oui, bonsoir. Donc oui. Nous sommes tous au complet. On a Olaf, oui, bonjour, Caril, bonjour. Et Dena et moi-même. Bonsoir tout le monde. j'étais coincé avec la... Oh, il y a tant de voitures. Avec l'orage. Oui. Ouais. Mmh. Moi, j'étais coincé, mais j'étais dans un bar, donc j'avais à manger et à boire. Mais il y, avait des alertes pour des tornades. Oui, c'est vrai, j'ai entendu à cette station. On était là avec Dana, il parlait de possible tornade vers Eden Prairie. Oh, et Chanhassen aussi, je crois, oui. Des tornades possibles. Oui, oui, oui. Je ne sais pas si on en a vu. Non, il fait beau dehors ici maintenant. Je pense que le pluie... C'est passé pour nous. Au moins, il n'y a pas tellement de tornades. Oui. Yeah. Quand même. Like my evening, tornado free. C'est un peu tard dans la saison pour des tornades, non? C'est normalement? Non, il y en a... Non, mais... Non, peut-être pas. Non, il y en a, en août aussi. OK. Ça dépend des endroits, mais je me rappelle de... Je crois que c'est 5 ou 6 ans, qu'il y a une tornade du côté de Wadena, et ça a complètement emporté l'école. Ah bon? Avec des enfants dedans? Non, il n'y avait pas d'enfants dedans. Mais il y a eu beaucoup de dégâts. L'école a dû être complètement reconstruite. Mais les tornades, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas en France, au moins. Oh, oui. C'est vrai. Il y a des inondations en France, mais il n'y a pas de tornades. Pas de tornades. No tornadoes in France. Some flooding. Je me demande pourquoi. C'est parce que ce n'est pas la prairie? Ou... C'est pas assez plat. Pour accélérer les tourbillons, le vent. Et avant que ça se développe, il y a une montagne. D'accord, comme il y a 5. Comme s'entourer de montagnes et de mer. Mm-hmm. Bon, c'est quoi c'est les chansons de cette sélection? On a commencé, c'est la musique de RFI. Oui. Mois de mai? Du mois de mai, de la playlist. Donc, une variété de chanteurs et d'interprètes que Olaf a choisi. Parce que je crois que la liste de playlist, elle est plus importante que ça. En fait, tu fais une sélection. When you look at the playlist for the month, you don't pick everything, right? You just select some of them. Mostly it's fairly representative. Mm-hmm. And then, even if it may not be the best thing, and it's still something that the French have selected. I mean, they have the thumb on the pulse of the. C'est vrai, c'est vrai. Ils sont très proches de ce qui sort des nouveautés. Vente kind of des disques. Would prefer another song. Yeah, that's fine. But they know what the younger audiences want. Alors, c'est quoi la prochaine chanson? Alors, la prochaine chanson, ça va être « Je suis parti » de Paris Combo. On y va. Du plus lointain, je me souviens que je partais sur les chemins chiffons, naïvement noué en baluchon. Je partais sur les chemins dont le dessin, le tracé, je te laisse, mais cette fois je suis pas. mange des yeux, je me régale et je lui tourne autour dans le bus. Sois santé, j'admire ses contours, ses fesses. Programming on KFAI is supported by the Minnesota Spokesman Recorder newspaper. The Minnesota Spokesman Recorder has served Minnesota's African American community with original news, stories, and information for over 82 years. In addition to news and stories, the MSR includes opinion pieces, sports, entertainment, obituaries, wedding and birth announcements, and more. Subscription information is available at 612-827-4021. Il est arrivé que je prenne le train par jalousie. Il est arrivé que je me noie dans l'alcool et l'extasie. Il est arrivé tant de choses et j'ai eu plusieurs vies. Alors quelle différence ? Je suis celle que tu cherches, je suis celle que tu suis. Étrange et l'accompli, je suis.

What did you find? I found that, well, I'm not sure they're super popular, but the song at the closing of the Olympic Games of Albertville in 1992. So they've been around for a long time. Yes. Yeah. And they kind of like got together. I think their first CD was like in 97. And they got with, they really got together. And in 2000, they really had a big success with their CD, their album, Living Room. I believe he's Australian. He is indeed. Mm-hmm. Yeah, coming from far, far away. Mm-hmm. They are Paris-based. Right. And they have been here in the Twin Cities at the Cedar. Several times. And at the Dakota Jazz Club. So yeah, I saw them once at the Dakota, and I've heard they went to the Cedar. And they were there recently, too. Mm-hmm. What was after that? Herb Mauve is the name of the singer. And she sings Plaisir de France with also the voice of Barbara Carlotti. So she sings about in one sense she sings about a coat that is protecting her, or somehow or other it's a psychological thing that having the plaisir to be in France somehow or other gives her an uplift. So she's very positive about this. And then we get into somewhat more, what do you call it, rock? It's not rock or yeah, pop rock. Pop by Vianney. And that's the Moi, Aime Toi. So this could be, basically could be the way that many of the, this could be Caribbean, many of Haiti and others do contract or pronounce French in various ways. But still, if you listen, you can understand what they are talking about. I think that was it. It, yes. That was the last one. So the next song that we're going to hear is, what's on the playlist next? Après Vianney. Yeah, Vianney, Moi, no, that was Wycliffe Jean. Oh, he's very well known. Ne me quitte pas. Oh. So we'll see what he does. He does well. With this song. Mm-hmm. Wasn't he something in the government? Yasmine Hamadan in La Baden, which we'll have to figure out what that means. We'll listen. And voilà, in Pour la vie. On y va. So let's. On y va. Here we go. Ne me quitte pas, il faut oublier. Tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Feel me. Oublier le temps, des malentendus et le temps perdu. À savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi. Le cœur du bonheur ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Listen to my guitar. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera roi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, don't leave me. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Listen to my guitar. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés. Comprendras, je te parlerai ces âmes-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ces rois morts de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, don't leave me. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Listen to my guitar. Yeah. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est paraît-il des terres brûlées donnant plus de blé qu'à meilleur avril. Et quand vient le soir pour qu'au ciel flamboie le rouge et le noir, ne s'épouse-t-il pas? Ne me quitte pas, don't leave me. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. If you ever left me, my days would go dark. CPR, eclipse of the heart. From the start, we made an oath, we'll never depart. Till our flesh turned to dirt and we return to the gods. Let's toast to our future. Ne me quitte pas, baby, I won't ever leave ya. So big love to your night. Cello in your ear, girl, trying to set the mood right. Laisse-moi devenir l'ombre de ton nom. L'ombre de ta main. L'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Programming is supported by Can-Can Wonderland, an arts immersive playground for all ages in St. Paul's Hamlin Midway neighborhood. Can-Can Wonderland offers an 18-hole artist-designed mini golf course, a Coney Island-style boardwalk of game and amusements, and multiple stages, bars, and surprises. KFAI Vinyl Voices provides an eclectic soundtrack every Saturday from noon to 2, including an open tables event where you can learn to become a DJ on the first Saturday of the month. For a full list of events and information, visit cancanwonderland.com. This week on The Listening Lounge, it's the suburbs. 40 years in the making, sounding fresh as ever. That's this Wednesday night at 7 p.m. on The Listening Lounge, only on KFAI. Well, like cows, they're like me. Thank you. Tu sais tout ce que je te dis là, tout ça c'est sérieux. Tu sais tout ce que je te dis là, tout ça c'est sérieux. N'écoute pas les gens, non, je suis quelqu'un de sérieux. N'écoute pas les gens, non, je suis quelqu'un de sérieux. N'écoute pas ces gens, ils sont menteurs et envieux. N'écoute pas ces gens, ils sont menteurs et envieux. C'est pour la vie. C'est pour la vie. Quand je dis que je suis vraiment fait pour toi, crois-moi quand je dis que je suis vraiment fait pour toi. N'écoute pas les gens qui ne voient pas les choses comme ça. N'écoute pas les gens qui ne voient pas les choses comme ça. Ce sont des médisants, mais ils ne nous sépareront pas. Ce sont des médisants, il n'y aura personne entre toi et moi. C'est pour la vie. C'est pour la vie. C'est pour la vie. That was awesome. J'ai bien aimé ça, cette chanson. So we heard, first we heard Jean Wyclef in Ne me quitte pas, and he gives it a Haitian twist to it, but of course it is the melody of Ne me quitte pas that we heard Jacques Brel sing last time or several times. So, but he actually was supposed to be a candidate for the president of Haiti. He did. He filed for it, but according to what I read, he did not have 5 years of residency in Haiti. He was very involved with the Fugees, and so living mainly in the U.S. The Fugees was a musical group. Yeah, it was a band from the, a rap band from the late 90s, from New Jersey. Mm-hmm. And so he didn't have enough residency to really run for president. But he contributed a lot during the earthquake into charitable causes and trying to help, you know, raise awareness. Yes, well, and they need help. I mean, right now they're trying to organize their own army again. Oh, really? I didn't know. Yeah, well, because some of the contracts or whatever it was, the agreements that other countries, Dominican Republic or so, UN essentially had been serving as kind of an army. And they now are going to be alone. Then the next one was Yasmin Hamdan in Le Beau Dan, which we don't know exactly what that title means. No. But the music was extremely fluid, extremely melodious, and very pleasant to hear. It is. And finally, we had Voila with two A's at the end, Pour la Vie. And what he sings about is something. Don't listen to what other people say. Don't listen when they are envious of you. What is important is what passes between us, because that's pour la vie. That's for the rest of our lives. Beautiful. It is. So, shall we just very very quickly announce one thing that is still, if you're interested in the Lumière Française. There are still 2 days where you can possibly go and attend some of the films. And so that's tomorrow, Wednesday the 26th. We have A Woman's Life, Une Vie, somewhat like Madame Bovary. I mean, the similar type of situation, and obviously not by... And then we have Struggle for Life, La Loi de la Jungle, Slack Bay, Malute, and then again, A Woman's Life from Gotsun. And so on Thursday, the first thing that comes up is my journey through French cinema. Voyage à travers des cinémas français by Tavernier, who should know. And it's a 3 hour film, and you'll be exposed to the entire history of modern French film. De Pathé. Des frères Lumière. Voilà. And then we have tomorrow, demain, and Slack Bay again in the later on, pour Malute. So if you haven't seen any of those, these are offered at the St. Anthony Main Theater on Main Street in Minneapolis, and it's the Film Society that is organizing this. Yes, the website is mspfilm.org. Right. Well, there's two chances to see the La Loi de la Jungle, because also it's a choice for Cine Club at the Alliance. True. Which is going on to Friday. Be playing, let's see. I think if it's not 7 to 9 p.m. This Friday? On the 28th. That would be Friday. And it sounds like a real scream. This is the one where he says this, he's a 30-year-old deadbeat. He snags an internship with the French government and rather surprised to learn that his assignment is to launch a ski resort in French Guiana. tropical French Guiana. Natural thing, everything that could happen is crazy, because that's... I bet it is. A real farce, that would be one of the farces. Sort of like the, what was it, the toboggan team for the Olympics that tried out from... Jamaica. Toboggan team. Bobsleigh. Mm-hmm. Yeah, that was fun. But, and I'm reading Papillon right now, was a convict and tried to escape from French Guiana. Was Steve McQueen that played the film? Yes, and Dustin Hoffman. Dustin Hoffman. That's... But I haven't seen the movie yet. I want to finish the book. Uh-huh. Mm-hmm. Then I'll watch the movie. Plus, I was lucky enough to find the book in French at my public library. Oh, pas la bibliothèque de l'Alliance Française? No, de Saint-Paul. Oh, très bien. Mm-hmm. Alors, on va avoir de la musique. Continuer avec Massilia Sound System. From Marseille, on y va. La chanson s'appelle Way et Libertad. La vie est trop courte, mon collègue, pour laisser faire et se croiser les bras. Réveille-toi, il faut que tu boulègues, sinon les autres choisiront pour toi. Moi je m'en vais bouger avec la tchoum, moi je m'en vais pour donner de la voix. Section Raouf, tu vois de quoi il retourne. Section Raouf, c'est Royer Libertad. C'est ça le pied, tous y aller, tous rassembler pour avancer, sans baisser les bras. Et si ça suffit pas, Tati Ninja reviendra. Ouais. Les grands messieurs nous prennent pour des caves. Dans leurs histoires, on n'est jamais marqué. Souvent je me dis, putain, on est trop grave. Un de ces quatre, il faudra répliquer. Depuis l'empèbre, c'est qu'on nous gruge. Ils nous endorment avec leur beau progrès. C'est le bilan, ce soir, c'est moi qui juge. Il va falloir tous me les dégager. C'est ça le pied, tous y aller, tous rassembler. Pour avancer, sans baisser les bras. Et si ça suffit pas, Tati Ninja reviendra. On dit que la section de Védas un jour a fumé un sous-préfet pour que ça soit un peu moins dégueulasse. Dans le pastis, ils l'ont fait mariner. C'est du sérieux, c'est un gars d'ail olivard qui au palette, il me l'a raconté. Le prochain coup que je fume un pétard, je demande avant avec quoi il est fait. C'est ça le pied, tous y aller, tous rassembler. Pour avancer, sans baisser les bras. Et si ça suffit pas, Tati Ninja reviendra. Tout le monde est capable, n'écoutons plus leurs discours de mépris. Chacun de nous a des idées valables, chacun de nous fait monter la yoli. Vas-y tchoumette, cours à la fête, et tchoumetto, monte le son. Je suis ici pour n'en faire qu'à ma tête. Au score la tchoumette, ciao les pibros. C'est ça le pied, tous y aller, tous rassembler. Pour avancer, sans baisser les bras. Et si ça suffit pas, Tati Ninja reviendra. Concernant ma fille, souvent je me suis retrouvée à servir le pastaga. Et alors? Et alors le problème, c'est que j'en bois plus que ce que j'en distribue, monsieur Luxby. Alors, pour nos amis français qui ne sont pas français et qui ne savent pas ce qu'est le pastaga, le pastaga, c'est le pastis. C'est une boisson anisée, mais il l'appelle le pastaga comme ça, en, dans le sud. Ah bon, c'est ouais. licorice-flavored. Et à l'anis. À la fin, il disait que le problème à vendre le pastis, c'est qu'elle en buvait plus qu'elle n'en vendait. So she was She was drinking more than she was selling. Yeah. So that was funny. You don't drink that straight. You drink that mixed with water. With water, sure. Yes. Yeah. And there are, my dad told me that in Spain they were serving it straight, but I don't know. Hmm. It might not be big over there. C'était dangereux avant. Non, c'était. Avant, on mettait avec tout. Ça, c'est absinthe. Là, c'était dangereux. Absinthe. Yeah. Le pastis, ce n'est pas dangereux. Tu sais que ce n'est pas, c'est pas très bon, mais. Que tu bois en bois trop. Wormwood, qu'est-ce que c'est? Wormwood, yeah. Wormwood. Absinthe. Wormwood, yes. Absinthe. Mais surtout l'absinthe qui s'est fait maison. qui s'est fait aux îles. Dans Caraïbes. Les jardins. Ouais. So, this was Massilia Sound System in a song that is heavily accent. The heavy Marseillaise right. accent. I mean, but it's very, very interesting. Why? Why? You? Yes. Oi? Oi? Oui, Libertad. Oui, Libertad, yes. Yeah, c'est Occitan, donc c'est plutôt du côté de Toulouse. Uh-huh. Yeah, ils peut-être ont, les auditeurs, il faut expliquer ce que c'est. Moi, l'Occitan, c'est une région du côté de, dans le sud, mais du côté de Toulouse, donc un peu plus à l'est, un peu plus à l'ouest de Marseille. Et ils avaient leur langage. Et il y a encore des chanteurs qui chantent un petit peu en Occitan. Mm. Et là, Massilia Sound System avait justement des paroles en Occitan. Donc, c'était assez sympa, assez local. Mais leur accent du sud est très prédominant. Oui. Mm-hmm. C'est aussi intéressant comme ils ont... It's interesting that they have a hip-hop style that's their own yeah. special Marseille. You have these... gangsters yeah. who are like they're rolling with Rolexes but they're not rolling in big cars, they're rolling in yachts in the port of Marseille with their huge boats and the sound system. That's yeah. just crazy. So this is what it's kind of rap and hip hop. Yeah. Yeah. A combination of those, yes. It's sort of a jerky skies. Well, Massilia was the old name for Marseille. Oh, Marseille. Marseille is an extremely old city. Il est 9h. Oh là là. Il est 9h, oui. Ah. À la bonne heure. Le temps passe. you are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM St. Paul. Radio without boundaries. And the program we present is Bonjour Minnesota. You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM St. Paul. Radio without boundaries. This is Bonjour bon, Minnesota. Je pense que maintenant, il va falloir traduire, c'est, français. Traduire en français ce que vous avez entendu en anglais, c'est-à-dire vous êtes à l'écoute de Fresh Air Radio communautaire de KFAI, 90,3 FM à Minneapolis et 106,7 FM St. Paul. Radio sans frontières. T'as parlé en anglais parce que j'ai même pas remarqué. Oh, oui. Je savais pas que la langue je parlais. Pas grave. On voulait parler aussi de Amadou et Mariam. On en a parlé ces dernières oui. semaines. Mm-hmm. We talked mm-hmm. about these Malian couple who are very renowned all over the world musicians. You said they played at Coachella and they played at Lollapalooza. That's yes. how incredible they are. Yeah, they also like did the opening of the World Cup in South Africa. I mean, with Shakira and tons of people. What I personally really love is that in several cities they have collaboration with French artists. So Manu Chao, for example, who was with La Mano Negra, who's now on his own. I mean, he had a solo career since 2000 where he speaks. Most of his songs are both in Spanish, French, English, and so he's on some of their songs. or Bertrand Cantat, the Noir Désir, also has like some collaboration with them. So that's. Is he out now? Yeah. He's been for a while. Yeah. Oh, okay. So he's I mean, it's all these collaborations are really, really great, and they are touring in Africa, contributing to a lot of like CDs. But they're playing here at the Cedar on Thursday night. On Thursday at the Cedar. Fantastic. Don't right across them. The street. It is indeed. Just so us. Cedar Cultural Center on Thursday, it's at 8 o'clock, and you can Google the Cedar Cultural Center and find a way to buy tickets. And I mean, it's fantastic. I'm very excited to see them. They're also going to be with Sayama en première partie for the first part. And we tried very hard to get an interview, which we will be having with them in the future. Unfortunately, timing didn't work to have them here in the studio tonight. So let's go ahead and listen to one of their songs that received great acclaim, Beau Dimanche. This is Amadou and Mariam. Et Amadou, bonjour, ça va bien? Bon, on y va. On y va. On y va. Je t'emmène, taxi Bamako. Tu m'appelles, je suis là, je suis le plus rapide. Tu es ma seule cliente, je fais ma course au ciel. Où tu veux, je t'emmène, tu t'assois, je conduis. Taxi Bamako, taxi Bamako. Le chauffeur est taxi ici. Là, c'est toi. Bon, on y va. Où tu veux, je t'emmène. Tu t'assois, je conduis. Je fais ma course au ciel, taxi Bamako, taxi Bamako. Je fais ma course au ciel. Taxi Bamako, où tu veux, je t'emmène. Taxi Bamako, où tu veux, on y va. Taxi Bamako, je suis le plus rapide. Taxi Bamako, tu es ma seule cliente. Taxi Bamako, taxi Bamako. J'évite tous les trafics, les problèmes mécaniques. Aujourd'hui, je t'emmène. Taxi Bamako, taxi Bamako. All right, we heard Amadou and Myriam. The first song was Dimanche, Beau Dimanche, Dimanche in Bamako. And basically what they're singing about is on the Sunday in Bamako is the day that people get married. Yep. So, and then the next one had to do, actually, was in their own language, which if it's Mali, it's probably Mandeng. And because it was not Wolof. Pardon? It was French too. Yes. And the title was Mabifi, and it's Je t'aime. So it's traditional music and traditional instruments, but then both the local language. And finally, the one was the taxi Bamako. They'll bring you anywhere, they'll take you anywhere. And those taxis are. They filled up. You just sit there. I mean, with as many people as will go into a back of a. Well, these are kind of. Yeah, and it was with Manu Chao from Mano Negra, and as I mean, he was collaborating, and he was interpreting like if he was a taxi driver, like one of the cab, you know, kind of bragging, like I can take you anywhere. I mean, these are cars with where in the on the back on the platform you can see 10, 12 people, you know, on facing each other on benches. But it's very that's the way to get around. Yeah. And so just to remind you that Amadou and Myriam will be at the Cedar Cultural Center on Thursday, which is day after tomorrow, right, at 8 o'clock. And I'll be there. All right. And it's offered to the members of Les Jeunes, the young people's group, for free. Mm-hmm. I think you just have to contact the Alliance Française for that. Yes, if you are a member of that group. I'm not sure there's still some place left. They may still be. You think they have any more tickets? I think they might have run out. Yeah, the best is to contact the Alliance Française. Yeah. And don't forget for the Ciné Club, La Loi de la Jungle, that was the one that sounds very funny. Indeed. The government gives this man, who's kind of a loser, scoundrel and a scammer, he's in charge of a ski club down in French Guiana. That's on Friday night from 7 to 9, and it's a lot of fun to talk and just meet some new people. Yeah. Petit Déj coming up. It's another month. Already it's on August. Saturday? No, I think it's Saturday it's after. The 5th. The 5th. From 9:30 in the morning until 11:30 in the morning. And it's a lot of fun. It's very informal. You sit around, have a café au lait or whatever you want. And plus confiture. Mm-hmm. I've met a lot of people there. Yeah, you never know who's going to show up. And then you're going to have a conversation in French with some new people who sit at your table. And then tout de suite, comme ça, des nouveaux amis. Tra-la. Even Rochester is getting in on it. They, too, are having a petit déj on the 5th from 9:30 to 11:30. Nice. The Navigateur de la Littérature is reading I don't know if it's a full book. It's called Une Gourmandise. And all the information can be found at afmsp.org. That's correct. And don't forget the Apéritif en Français, Thursday night. Not this one, though. The 10th. Okay, 10th of August. The 10th of August. From 6:30 to 7:30 p.m. 6 to 7:30 p.m. at the University Club of St. Paul in St. Paul, Minnesota. Fantastic. And I think that about does it. We've mentioned quite a few of them just going. I do have a special announcement. I know that the Sanctuary Restaurant is going to be having its 10-year anniversary special chef dinner happening on August 17th. So there'll be more details to come, but I know that Patrick Etnalian, our own Marseillais chef, is going to make something fantastic. He'll be on whenever he has a relief in the kitchen and not while he's planning super dinner. Well. I saw him at Bastille. Did you see him? For a second. Yeah. Me too. I met him. I'd never known him before, but he was the new chef at the New French Cafe for long regretted quite a few years back. A well-known chef around town. 25 years. And then after that, he was at the Loring, when the Loring would do their international night on Thursdays. Oh, really? Mm-hmm. That was 20 years ago. Nice. Yeah, that was 15 years ago, 20 years ago. Yeah, it was nice to see him at Bastille. I mean, it was the afternoon, and I came back with my T-shirt from Paris Saint-Germain, so he kind of insulted me, like, for a minute or two, and we exchanged it politeness. He says, OM. Yeah. Yeah, it's always a great thing when you get those Frenchmen together, and they're from different regions of France, and they have to be especially Marseille and Paris. Mm-hmm. I'll get a Lyonnais in there. Soccer talk, wasn't it? A little bit. Yeah. Not much of a talk, because their team is not that great. But I'll be here to represent OM. Okay. And I'll Lyon, and for my ex-husband, Con, also. Con. Con. Okay. All right. So we Do we have any other announcements? No? No, that's about it. We can wait. Here and there. We have another one, but we can play some music in between or something like that. Okay. A couple more of those films, but you can check out the Film Society, Lumière Française, and see which ones were remaining. There's quite a few of them next Thursday and Friday. Okay, let's take a little detour. Olaf has come across some sort of rarities in the RFI catalog. You'd say songs that have been underplayed? Yeah, well, not really rarities, but songs that haven't, that don't show up so terribly often. I mean, and so we've kind of selected some that, just to reacquaint you with some. The first part have to do with Edith Piaf, but where she is, actually these are songs she presented on live concerts, and that which are not easily found. And then the next after her is Alain Souchon, and that he is actually, they are now coming out with a new, what would you call this? An album of a collection of all of his songs. An anthology? Some kind of an anthology, yeah. And this is the first volume is out, and the next one is being prepared. And apparently, I mean, he was big when I was a kid. Was he? Pardon? He was big when I was a kid. Oh yeah. And then he has been with associated with some of the greatest singers, artists in French, chanson, Yves Montand, Gainsbourg, Michel Jonas, and Brel and so it's quite. Oh, c'est quoi ça? Okay, mystery tune. We'll have some Alain Souchon in just a little bit, but let's have an announcement. KFAI can take your old car, truck, motorcycle, or camper as a donation to help fund our programming. It's easy, and it doesn't matter if you drove it last week or last decade. We can tow it away and let it serve you one more time through funding the radio you love. Log on to KFAI.org to find out more about donating a vehicle to sustain KFAI programming. Programming is supported by AMPERS and the Minnesota Arts and Cultural Heritage Fund. Announcing AMPERS.org, featuring music, arts, and cultural stories, including many produced here at KFAI. Information and audio at AMPERS.org. AMPERS, diverse radio for Minnesota's communities. Accompagné au piano par Robert Chauvigny, à l'accordéon par Marc Bonnel et à la contrebasse par Marc Errant, voici un simple nom, et dans ce nom toute la chanson, Edith Piaf. Une toute nouvelle chanson d'Anna Marley, la chanson à trois temps. Plus rien ne va vous demander, que chacun garde ses problèmes. Qu'importe encore, il va neiger, qu'importe encore, il va pleuvoir. Des chevaliers, il n'y en a plus, chacun pour soi, et puis quand même, chante pour vous la chanteuse des rues, sur le trottoir pour ceux qui s'aiment. Elle va ainsi en forme d'un ange. Une chanson à trois temps qui ne rime à rien du tout, mais qui charme pourtant l'inconnu qui s'en fout. Et demain tout le monde la chantera dans la rue, sans le savoir, sans le vouloir, sans l'apprendre non plus. Une chanson à trois temps, ça traverse les murs. C'est l'histoire d'amour d'une Suzanne ou d'un Durmet. Et l'histoire on l'oublie, c'est un air qu'on retient. Une chanson à trois temps, voilà qui est parisien. Une chanson à trois temps. croissant. Ce fut un jour comme tant d'autres, une étrangère vint à Paris. Elle avait cru au bel apôtre des joies faciles de cette vie. Il l'installa au bord du fleuve dans un palais en ruine gris. Et lui laissant sa cape neuve, il la laissa pour toute la vie. Voilà qu'elle traîne maintenant. Un chagrin à toi tant plus pénible que tout, qui s'affirmera tant qu'il y a des gens qui s'en foutent du printemps, des oiseaux, des filles qui croient à tout. Un chagrin à toi tant, mais qui rime beaucoup. Elle va en crever dans un an. Mais personne autour d'elle ne s'en apercevra, car l'histoire oublie, c'est un air qu'on retient. Un chagrin à trois temps, voilà qui est parisien. Un chagrin à trois temps. Elle en mourut comme meurent les autres, dans son palais un soir de vent. Et sur sa tombe on ne vit guère que les visiteurs du samedi, qui s'amusaient à lire les pierres et rêvassaient devant celle-ci. Une chanson à toi, tu s'habillais. C'est beaucoup de tourments et pourtant c'est pas donc toi passant qui t'arrête. Fais pour elle une prière. On a beau être grand, on finira poussière. Et faut-il encore être un poète d'amour pour laisser derrière soi une chanson de toujours? Car l'histoire oublie, c'est un air qu'on retient, un amour à trois temps, voilà qui est parisien. Une chanson à trois temps, à trois temps, à trois temps. Tiré de mon film Étoiles sans lumière d'Henri Comté sur une musique de Marguerite Monod, Mariage. Six heures place de la Trinité, quand le coup de feu a claqué. Juste en face du petit café, la dame qui avait tiré regardait d'un air étonné l'homme en gris qui était tombé. On ajouta un numéro sur le registre de bureau du commissariat de police. La dame, elle ne veut pas parler, et quand le juge est fatigué, elle bavarde avec son passé. Dire que tout ça a commencé en même temps qu'un soleil d'été qui avait l'air fait pour durer. Et le soleil s'était posé sur un jeune homme en gris foncé qui avait l'air fait pour danser. À Alors bien sûr, elle a valsé. Et puis après, l'a embrassé. Il n'en faut pas plus pour s'aimer. On ajoute un numéro sur le registre de bureau de la mairie du 14e. Alors, tout devient merveilleux. Dans les beaux rêves, on ne fait pas mieux. Et la dame, elle en ferme les yeux. Elle revoit le seul jour de sa vie, je crois, où elle a fait un signe de croix. D'Henri Comté et de Marguerite Monod, il n'y a pas printemps. Jamais de repos, toujours courir, mettre au bureau et repartir. Et même le dimanche, il faut faire ses affaires, laver, repriser, repasser sa misère. Retour à pied, au bout de la nuit. Matin mouillé, pleurant d'ennui. Y a pas de printemps le long de ma vie. Je ne crois pas au calendrier. J'ai beau faire des économies, printemps je peux jamais me le payer. Et le mois de mes passes m'oublie. Et le bonheur, on fait tout temps. Peut-être que je suis pas assez jolie, mais dans ma vie, y a pas de printemps. J'ai lu souvent dans les journaux une histoire de gens qui s'aimaient trop. C'est riche d'amour, ils ont bien de la chance. Moi, je n'ai jamais touché la moindre avance. J'ai beau chercher. j'aurais de quoi pleurer, mais pas d'amour. Y'a pas de printemps le long de ma vie, je ne crois pas au calendrier, j'ai beau faire des économies, printemps je peux jamais me le payer, et le mois de mes passés m'oublie, et le bonheur on fait tout temps, peut-être que je suis pas assez jolie, mais dans ma vie y a pas de printemps. Il 21 du mois de mars, quand le printemps chante à pleine voix sa naissance, avec un beau gamin pépère connaissance, il m'a dit viens, il m'a souri, et dans mon coin tout a fleuri. Et je me moque des calendriers, car maintenant c'est de la folie, j'en ai même au mois de janvier, j'ai plus besoin d'économie, mon cœur et moi on est contents, peut-être que je suis pas jolie jolie, mais dans ma vie, y a plein de IP House is proud to provide internet streaming of KFAI Community Radio. The internet professionals at IP House provide answers to your hosting and access questions. More information from these friendly geeks is available at iphouse.com. Starting Monday, July 31st, KFAI will begin airing a brand new schedule. Some of your favorite shows will be in new time slots, while many others are staying put. New shows are being added, and old favorites are changing. Be sure to check KFAI.org to keep track of these new changes. All right, we heard Edith Piaf, and we heard her in three chansons. Une chanson à trois temps, a chanson and song and three quarter. What is it? Beat three quarter beat or what? Three times. A time is one, a beat. One, two, three. Yeah, three. One, two, three. Okay, sure. So, and then mariage, and then il y a pas de printemps. There is no spring, which is a sad song. But these songs were all come from a CD that's called Version Inédite, and these have been sung in public appearances, and you may have noticed that the rendition is not as crisp as in some of the other CDs mm-hmm. that we've had, and that's simply because it's been taken during a live appearance. Yeah, mm-hmm. and a long time ago. Mm-hmm. Yeah. These are songs that have been taken a long time ago and that haven't resurfaced. I mean, or true. not very often. So that's why we kind of try to show them or run them. Right. The next songs that we're going to hear are from Alain Souchon. Right on yes. our list. Here we go with Jamais Content and Marchand du Sirop. Thank you.

se pend en Léon, qui croit des fois qu'il est Napoléon. Partout, beaucoup, surtout souterrain, on vit pas bien, on est tous charlots, on est tous des petits marchands de sirop, des marchands de sirop. We heard Alain Souchon in two songs, Jamais Content, Never Happy or Never Satisfied, and the other one, Le Marchand de Sirop, the merchant or the shopkeeper that sells you sirop. Yeah. And syrup is not, I mean, it has a slightly different meaning. In France, I mean, you have, at least formerly or still today, you have the sirop grenadine and other fruits. Yeah, like strawberries or mint. Mm. The sirop monin. The sirop monin in coffee shop, they are very similar to what we had in France. Mm-hmm. Yeah. Oh. But they are different flavors because they are for coffees. So you don't really find, like, in coffee shop here, you don't really find, like, it's strawberry extensive. Or mint, yeah. You know, it's mm-hmm. more like hazel or hazelnut or, you know, different flavors. But it's the same concept of syrup. It's a concentrated of... Yeah, exactly. Of syrup. Of a juice, I mean, or some juice. Kind of a flavor, yes. Yeah, a fruit. And grenadine was a big deal. I mean, kids would get that. Yeah. A little bit in water. I mean, yeah. They didn't get this is before. A couple of days. Still a big yeah. deal to yeah. have a Shirley Temple or a Roy Rogers. A Roy Rogers? What on earth is that? Kitty cocktails. I don't think that's the one I was drinking when I was a kid. You put the grenadine into the soda. It's the American way for kids to have. I'd never heard of a Roy Rogers. Oh, no? I imagine little boys would prefer to have a... cowboy rather than Shirley Temple. It was a big trip. Yeah, there was no pop at the time, and that was. We have a little bit of limonade, which is different from lemonade, but yes, and they came in liter bottles with a little flip stopper or yeah. whatever. Yeah, cabochon. No. And yeah, and that was. I still buy those. 30 francs a liter mm-hmm. bottle. Yeah. And maintenant, ils sont $6.99 at grocery stores for one gosh. Of those French limonade kind of cher. Wow. C'est cher. It is cher. Mm. I never liked it anyways. Bon, il y a des événements que Oui, tu... il y a deux événements dont j'aimerais parler. There are two events I'd like to talk about. There is one event that is called Sunrise at Midnight, and it's in Saint-Paul. runs from July 20th, so that's past, until the 30th, and it's every day at 7:30 at Dreamland Arts in on Hamlin. Hamlin? Okay. Hamlin. Hamlin. And it's really great. It's a representation about some... it's a blend, it's very dynamic, a blend of theater and original songs, and basically they are about tales from Algeria, from Kabylie. And yeah, it was very dynamic and very... And it was fun. It was about an hour. Produced by Taous Kazem and yes. Mohamed. It's directed by Ryan... Enderbackle, but the performers are Heather Bunch and Taous Claire Kazem, Theo Langesson, Nora Montanez, and Mohamed Yabdi. Well, fantastic. Yeah, so, it was great. So this is still going on until it's going on until the 30th. Okay. And it was like three blocks from Groundswell, so we had, you know, like a snack and something at Groundswell and walked there. It was great. And coming up soon on August 2nd, Wednesday, August 2nd, and Thursday, August 3rd, at the Dakota Jazz Club, there's going to be Paris Chanson. And Paris Chanson is a band that's who's playing. LA Premier's French band with a Russian twist is coming back to the Dakota in Minneapolis for tonight. So that's a lot of classic songs from French artists, Montand, Brel, and others. Bien. Cool. Les événements pour tout le monde. Yes. Shall we return to the music? I kind of liked it when you brought out the beverages that kids drink. And when I first came over to France, people were drinking demi-panache. Everybody's ordering that. And I thought that was a strange combination. It's beer and limonade. J'ai bien aimé. That was a nice one. Yeah, it didn't taste like real lemonade. Yeah. It was neither like lemonade nor like beer. So yeah, it's right. Isn't it but a it was, it's shandy a, it's now? It's a shandy in England. Yes. Yeah. Hmm. Yeah, beer panache. It was actually an English girl that... my Doc Martin boots that I have, I got from a Fio pair. I made a Native American necklace that I traded her for the Doc Martin leather boots, and she's the person who introduced me to the panache. To the panache. Yeah. Is that fantastic or what? Fellow Fio pair. My favorite one was the Monaco. Because it's that? The same thing, but you have some grenadine on top of it. Oh, with the panache? Mm-hmm. With grenadine? Yeah, I might have to take up drinking again. Just kidding. you can do it with an NAB, yeah? Mm. Yeah. That's interesting. But the thing is that it is, they use it quite a lot. And actually, in the some of the bars, you have a spigot out of which lemonade comes. Or really? Yeah. So, and the thing is, if it's terribly hot, you can... Well, I mean, then you can drink this. Yeah, it's refreshing. Whereas if you drink straight beer, I mean, you wouldn't last very long. I always thought limonade tastes like 7-Up. Different. It's different. Limonade sounds like lemonade, but it's definitely not lemonade. There's no lemon, and it's more. It's a little bit more bitter. Yeah. And, How about Genie? Genie. Was that kind of a ginger pop that was I think a very thick bottle? But I didn't like anything with bubbles, with carbonations. I do now, but when I was a kid, there was no carbonation for me. Even Orangina was not like my favorite. Oh, that was good. Orangina, you can find them like at Trader Joe's and Cub. I mean, like your regular grocery store. But, But not Genie. Not that I'm aware of. Genie is like from Nancy or some... I don't know. It's a very special pop. Shall we return to some music before we run out of time? Yeah. Should we say goodbye now? Or? Let's go ahead and listen to... we should. And say à la semaine prochaine. And listen to shall we just take a little detour and listen to some Serge Lama? Oh. Yeah, let's see. Wait. That might be a nice idea. Et c'est en vinyle. Okay, we're going to change then. We'll try to... How do we go ahead? And we will listen to some Serge Lama, and we'll wish you à la semaine prochaine We're going to listen to the title Seul avec ma cigarette and Je vous salue Marie from the album Portrait de femme. We don't know when this is from. Oh, it's what year is that? 80s, before 80 something even. I mean, it's fairly old. Okay, here we go. Wow. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au plaisir de... Lorsque j'ai débuté, j'étais porte-briquet. Du feu, madame, pardon, je sortais mon briquet. Maintenant, je vis seul avec ma cigarette. À l'école déjà, quand les autres fumaient, moi, je ne fumais pas, mais j'avais un briquet. Maintenant, je vis seul avec ma cigarette. Puis elle m'est arrivée avec ses longs cheveux. Elle riait, moi je donnais du feu. Maintenant je vis seul avec ma cigarette. Elle voulait voir la mer, elle me disait je veux. Je veux ça, je veux tout, moi je donnais du feu. Maintenant je vis seul avec ma cigarette. Le soir, après le couvre-feu, elle murmurait, j'ai froid, je lui faisais du feu. Maintenant je vis seul avec ma cigarette. Avec ma cigarette. Et depuis je vis seul avec ma cigarette. J'ai débuté, j'étais porte-briquet. Du feu, madame, pardon, je sortais mon briquet. Maintenant, je vis seul avec ma cigarette.